quand vous faites vos courses, par exemple, au supermarché. Mais vous êtes en guerre, putain. Tu es derrière ton caddie, mais tu es le petit lapin à l'ouverture de la chasse. Le système a disposé sur ton parcours tout un tas d'embuscades savamment orchestrées. C'est scientifique, hein. Avec des pièges, tu sais, mis comme ça, systématiquement à la hauteur du regard des enfants, hein, les premiers, les plus fragiles. T'arrives à la caisse, là, c'est un festival. Les gosses, ils sont... Parce que le premier dilemme chez l'enfant, c'est le choix. Il n'arrive pas à trancher. Il a deux objets dans les mains. Il cherche du soutien, il te regarde. Toi, tu t'en as rien à foutre du hand spinner en alu ou du pot de pâte à prout. Tu sais que ces merdes vont finir à la poubelle. Mais l'autre, il est enfermé dans son délire. Il est noyé dans le doute. Il chiale. Tu dis, c'est pas mon gosse, c'est pas possible. Faut que je fasse un test ADN, c'est pas vrai. Alors tu te reprends en main. Lâche-moi ça ou t'as une fessée. Tu vas même choper le truc, toi, mais bon. Sur le champ de bataille, tu gesticules à découvert, mon pauvre ami. Rien que le fait d'essayer de remettre le truc dans le présentoir, mais tu l'as dans le cul. Mais le truc est étudié pour que ce soit possible. Tu ne peux pas le remettre. L'autre. Tout ça devant tout le monde. Et puis t'es au checkpoint, la caisse. T'as la caissière qui est là. Normalement, elle est neutre, la caissière. Tu te dis, tu vois. Mais elles sont passées du côté de l'ennemi. Hein. C'est fini le temps des caissières qui bossaient pour la résistance, tu sais. Qui laissaient passer un article sur deux, tu sais, pour le maquis, quoi. C'est terminé, c'est fini. Carte bleue, caméra, puis c'est du matériel allemand. Ça peut... Ah non, il n'y a plus moyen de bricoler. Donc t'as l'autre qui hurle, elle ose te sortir. Tous les mêmes, les enfants. Normalement, dans la nature, tu sors ton chlasse, tu la plantes à la carotide. C'est elle qui a tendu le piège. Mais bon, t'es du mauvais côté du mirador, tu sais que tu l'as dans le cul, donc... foutu, quoi. Tu fais même semblant de te marier à sa vanne pourrie, quoi. Puis là, elle te met le coup de grâce, elle te dit... Pourquoi c'est différent quand on a la carte de main? Ah oui, ça se joue! Vous accumulez vos points, vous ne trompez pas, il y a un cadeau pour le gosse! Faut que je réfléchisse. Tu recules, et là, voilà. T'as la sirène qui se met en place. Ah, mais vous devez avoir l'étiquette dans vos vêtements! Ah bon? Ouais, faut tirer l'étiquette! Faut que je retire mon froc, là? Là, t'as un vigile qui arrive, un mec de Casamance. Systématiquement, ils prêtent des mecs de 2m50. Normalement, le gars, il est dans un zoo, quoi. Yo, brother. Tu sens que le bougre, ah bah, il pratique les arts martiaux de manière assidue. Il est plus attiré par le côté martial, d'ailleurs, que le côté artistique. Apparemment, j'ai une étiquette dans le froc, faut que je le... Il y a une cabine où on enlève... Bon, l'autre, il est dubitatif. Son boulot, c'est de remarquer si tu t'es pas arrangé un DVD dans le fion, toi. Puis là, je sais pas si c'est la fraternité africaine. Il m'a dit, oh, c'est bon. Yes. Enfin, une bonne nouvelle dans la journée. Tu rigoles. Enfin, bonne nouvelle de très courte durée. Parce que là, le temps de mon interpellation, ma progéniture avait jeté son dévolu sur une sucette fluorescente géante en forme de sifflet, comme ça. Une merde à 7,20€, je l'ai vu tout de suite. Hein. J'ai dit non, c'est non. C'est parti. Hein. Ah, l'autre qui en remet une couche. Ah, dis donc, il sait ce qu'il veut, celui-là. Vous ne devez pas vous ennuyer avec un numéro pareil. T'as les gens qui te regardent. La solitude. Je me vois, tu sais, encore déposer les articles sur le tapis roulant, puis je sais pas ce qu'est fou, cette colle, ça accélère, le truc se casse la gueule. L'autre qui hurle, brandit sa sucette avec ce son strident, capable d'anéantir toute activité sonore dans un rayon d'1 km. J'étais à Stalingrad, les pieds dans la neige. Calé, calé. Il me fallait envisager une reddition totale et sans condition. En guise de drapeau blanc, j'ai sorti ma carte bleue. Je me rends, madame. Faites-vous plaisir. Je lui ai acheté sa sucette, des chewing-gums, même des piles. Ah, j'ai pris tout ce qu'il y avait sur le trésor. J'étais plus en capacité de me défendre. J'étais anéanti. Nous étions vaincus. Lui parce qu'il avait cédé à la tentation, hein ? Et moi parce que je n'avais pas su le protéger, hein, de tous ces pièges qui font de toi un connard de consommateur. J'ai poussé le caddie jusqu'au parking. Oh, nos regards se sont croisés. Le sien encore rougi par la colère, la passion. Une larme roulait à présent sur sa joue maculée de sucre fluorescent. L'objet de toutes les convoitises avait disparu, englouti. Il ne restait plus qu'un bâton qu'il a fini par coller sur l'appui-tête de la bagnole.